First of all, j'suis plus capable, j'ai des visions qui me rendent malade. Depuis que ma langue versus ma bouche s'arrache des mots inséparables. Best off, trop perfectionniste, hein? J'essaie de trouver le best off des flows, j'teste pour être le Steve des lyricists. Mon mind me mène, mais sûrement pas vers le fine remède. J'ai peur des deadlines, pas j'veux pas que mes lines soient dead. J'veux rien savoir d'avoir un sideline. Parce pour moi, le rap music, c'est bien plus qu'une fat rhyme. J'aurais voulu plus de bon son, que ça évolue plus dans le bon sens. Ça fait partie d'une des raisons de pourquoi j'voudrais que les choses changent. Si tu penses que ce que j'dis, ça veut rien dire au plus ou moins, analyse chaque mot de mes textes, pis trouve l'aiguille dans votre. Focus, c'est une vie grosse misère. Les choses qui font, le monde change, c'est pas si chaud qu'il faut. Focus, je demande la permission de fermer le livre qui contient mes visions. Focus, c'est une vie grosse misère. Les choses qui font, le monde change, c'est pas si chaud qu'il faut. Focus, je demande la permission. Fermez le livre, comptez mes visions. J'ai tellement de choses à dire que je pourrais écrire un best-seller. Dans la vie, faut prendre un guest salaire si un jour on veut le best salaire. C'est ce qu'on dit, une poisse salaire. Quand tu passes au questionnaire, la vie passe aussi vite à l'heure qu'une course de drag car à sanaire. Disparaît, plus de données que t'as le temps d'en dispatch. Ou disparaît de ma vue, j'espère entendre un disque. Dans les ceux qu'on appelle pas, penser à ceux qu'on se rappelle plus. Maintenant, je vais partir un débat sur des problèmes, moi j'en ai dû. Quand je veux faire le grand plongeon, je trempe, tu tremplin, je manque d'équilibre. Quand je check l'eau, je vois juste le fond, mais la tremplin, ça devient pénible. Je pense c'est fini. On s'est rayé du globe, ce qui est de vos chances de survie, ça va dépendre de vos blogs. Focus, c'est une vie grosse misère. Les choses qui font, le monde change, c'est pas si chose qu'il faut. Focus, je demande la permission de fermer le livre qui contient mes visions. Focus, c'est une vie grosse misère. Les choses qui font, le monde change, c'est pas si chose qu'il faut. Focus, je demande la permission. Fermez le livre, comptez mes visions. J'suis en manque de tout ce que j'ai, c'est impossible de découvrir. Tout le monde me dit, boy, t'es choyé, pis j'trouve ça plate qu'il y a à me le dire. Quel chemin j'ai pu prendre, pour savoir où aboutir. Gardons ça de toi pis moi, mais le best, ça serait de pis t'en souvenir. Avant de venir me voir, j'pense qu'il va falloir que j'change de tête. Reste pas tard avant que j'change de vibe. Le sujet de l'émission, c'est focus, pis c'est vision. Et qui est Nostradamus pour vous servir sur partition. Ça va me prendre de l'aide, j'ai plus cœur tendre, mais plutôt cold as ice. Fuck ceux qui disent que j'fais mon shit on the side. Attends, le pire là-dedans, c'est que j'ai pas changé. Attends, dans le fond, à ma plan focus, c'est que je peux voir ce qui m'attend. Focus, c'est une vie grosse misère. Les choses qui font, le monde change, c'est pas si chose qu'il faut. Focus, je demande la permission de fermer le livre, compter mes visions. Focus, c'est une vie grosse misère. Les choses qui font, le monde change, c'est pas si chose qu'il faut. Focus, je demande la permission de fermer le livre, compter mes visions.